Une pause, une danse. Je vois le flux de tes pensées ralentir comme une romance. Être dans l'instant, c'est ici que tout commence. Regarder dehors, se moquer de savoir qui a raison ou tort, faudra juste pouvoir laisser tomber le bien, le mal et l'idée qu'on s'en fait. Tu largues les images qui t'imposaient de rester sobre, bien sage. Qu'importe demain quand c'est toi qui tiens le livre, tourne les pages. T'offrir au monde à ses soleils, ses orages. Playlist énergie. Salut, c'est Klingon. Klingon featuring Broken Back. Sorry, we arrived.

just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Mm, too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you want dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know I'm probably much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know. I hope he buys you flowers. I hope he holds your hand. Give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, 'cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man. Energy. You saying it's hopeless, that I should hope less. Heaven can help us, well maybe she might. You say it's beyond us. What is beyond us? The seeing decides. We've been meteoric even before this. Burns half as long when it's twice as bright. So if it's beyond us, then it's beyond us. The seeing decides. And I will still be here, stargazing. I still look up, look up, look up for love. I will still be here, stargazing. I still look up, look up, look up for love. Say it's unkind. Let's make up our own minds. We've got our whole lives. Let's see and decide. Decide. And I will still be here, stargazing. I still look up, look up, look up for love. Stars don't disappear, they keep blazing. Even when the night still look up, m'écouter sur le comment je devrais. Même ma voix trémolo, faut-il pas me menacer, moi me laisser aller, je devrais pas. Mes mauvaises nouvelles, la voilà ma maladie. En effet, comme l'on est, c'est maman qui me l'a dit. Mauvaise nouvelle, la voilà ma maladie. En effet, comme l'on est, elle l'a dit. Malade, mais je pense que ce sont tous les fous. Malade, ils pensent qu'on est fous quand on est nous. Malade, mais je pense que ce sont tous les fous. Malade, alors je suis malade, je l'avoue. Pour ce qui est du deuxième couplet, je sais plus trop quoi raconter. À peu près la même chose que dans le premier. Ah non. Et y a pas d'âge pour se dire heureux dans une cage. Et y a pas d'adage qui mettrait à mal le message. Mauvaise nouvelle, la voilà ma maladie. En effet, comme elle en est, c'est maman qui me l'a dit. Mauvaise nouvelle, la voilà ma maladie. En effet, comme elle en est, elle me l'a dit. Je pense que ce sont tous les fous. Malade, ils pensent qu'on est fous quand on est nous. Malade, mais je pense que ce sont tous les fous. Malade, alors je suis malade, je l'avoue. Malade, malade. Mauvaise nouvelle, la voilà. En effet, comme l'on est, c'est maman qui me l'a dit. Ouais. Mauvaise nouvelle, la voilà ma maladie. En effet, comme on est, elle me l'a dit. We made a language for us two. We don't need to describe. Every time you call on me, I drop what I do. You are my best friend and we've got some shit to shoot. We made a language for us two. We don't need to describe. Every time you call on me, I drop what I do. You are my best friend and we've got some shit to shoot. That's the way it is. That's the way it goes. It's just a two. It's deja vu. It's what we know. That's the way it is. In my life, I listen from Tokyo.

Avant ça, pour la météo, franchement, c'est quand même plutôt pas mal par rapport aux derniers jours. Une hausse des températures, apparemment. Ouais, c'est très léger. Hein. Ce matin, le temps sera généralement sec, en tout cas, donc pas de pluie. Les nuages deviendront de plus en plus nombreux. L'après-midi, quelques pluies seront possibles. Les maxima seront compris entre 10 et 13 degrés aujourd'hui. Et on y va à 7h02 en ce jeudi 1er novembre. Donc, pour l'actu, on retrouve Yannick Farkas. Bonjour Yannick. Bonjour Dylan et bonjour à tous. Au terme de presque 7 jours de grève, la direction d'Avia Partner est satisfaite de l'accord. Elle le juge équilibré, mais la direction regrette les désagréments suite à la grève spontanée des bagagistes. Dans un communiqué, le président d'Avia Partner Group veut que le gouvernement réfléchisse et étudie la possibilité d'étendre le service minimum dans le secteur aérien. À partir d'aujourd'hui, Ryanair n'autorisera plus les bagages à main de 10 kg en cabine. Les passagers devront payer 8 € pour les enregistrer et les valises voyageront en soute. Les clients qui optent pour l'embarquement prioritaire continueront à pouvoir prendre 2 bagages en cabine. Wizz Air aussi adapte sa politique de bagages. À partir d'aujourd'hui, chaque passager sera autorisé à emporter gratuitement un bagage à main de maximum 10 kg. Ce dernier devra être placé sous le siège. La ministre de la Santé, Maggie De Blocq, veut alléger les amendes contre les cigarettiers. Faire de la publicité pour les cigarettes coûtera désormais 2 000 € au lieu de 80 000 €. Cela dit, pour les infractions graves, les amendes allant de 80 000 à 800 000 euros resteront d'application. C'est le cabinet de la ministre qui a tenu à faire cette précision. Les banques bruxelloises ont été prises à partie par des zombies hier soir. Une cinquantaine de personnes déguisées en zombies se sont mobilisées devant plusieurs grandes banques bruxelloises pour dénoncer la finance. L'action menée par un collectif d'activistes faisait évidemment référence à la fête d'Halloween, mais aussi avec clairement un but politique. Et enfin, hier en football, on jouait la 13e journée de championnat. Genk est allé s'imposer 2-4 à l'Antwerp. Courtrai et Waslan Beveron se sont quittés sur le score de 2 buts partout. Et enfin, Eupen s'est imposé 2-0 face au Cercle de Bruges. Prochain point sur l'actu, ça sera à 7h30. 8 points de vente, 1000 voitures neuves et occasions en stock. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager toes, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got 2 in the front, 2 in the back, sailing along. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone, a someone.

C'est Dylan sur Énergie, quel plaisir d'être avec vous en mode jour férié. C'est le 6-9 des vacances. Je remplace Marco, Frisco et Jérém. Eux, ils seront de retour dans quelques jours. Ça sera lundi en pleine forme. Elle s'appelle Rita Ora. C'est une artiste énergique que je vais vous passer dans votre playlist. Il est 7h13, bon courage. J'espère que le week-end s'est bien passé. Mais en fait, on a l'impression qu'on est décalé. Hein. Avec ce jour férié, il y en a qui font le pont, il y en a qui ne le font pas, il y en a qui ont congé, il y en a qui bossent. C'est le casin total. Allez, soyez les bienvenus sur Énergie. Rita Ora donc pour la suite des hits. Et tiens, on est un petit peu finalement entre nous aujourd'hui. Pourquoi ? Bah, c'est-à-dire que la majorité des gens ne travaillent pas, ils sont encore dans leur lit à cette heure-ci. Mais si vous écoutez la radio en ce moment, bah, finalement c'est que vous êtes réveillé et que vous partez peut-être au boulot. Alors c'est le seul jour, l'un des seuls jours du mois de novembre où on peut finalement être entre nous, c'est-à-dire entre courageux. Et je me suis dit que j'allais vous mettre à l'honneur, je le fais de temps en temps dans l'émission, c'est vrai, vous mettre à l'honneur les personnes qui sont déjà debout et qui écoutent déjà la radio à 7h14. Alors on va faire un truc très simple, c'est toujours sympa d'entendre son prénom à la radio, donc je vais vous lire, d'accord ? Et on va faire un truc pour voir un petit peu qui nous écoute et quel métier bosse en mode jour férié 1er novembre. Vous allez m'envoyer votre prénom, suivi de votre métier par SMS, au 30-18, c'est juste 25 centimes le message, donc c'est que dalle. Ou via la page Facebook, hein, si vous voulez, c'est Énergie Belgique sur Facebook. Allez-y, vous m'envoyez votre prénom avec votre métier, par exemple Dylan, animateur radio, au 30-18. Et moi, vous savez quoi, je vais vous faire une dédicace et je vais vous mettre à l'honneur ce matin, d'ici quelques minutes, après la diffusion de Jane, Alan Walker et Rita Ora. Allez-y. Téléchargez maintenant l'appli Énergie Belgique et retrouvez plus de 15 radios thématiques inspirées par vous. Énergie pour le sport, Énergie Nouveauté, Énergie Relax et beaucoup d'autres comme Énergie Hit 90. Visitez les années 90 et écoutez votre radio musicale thématique Énergie Hits 90 sur l'appli Énergie Belgique et sur énergie.be. On a tous une bonne raison d'aller chez Intermarché. Moi, c'est pour leur colis boucherie. C'est tellement avantageux. Ah, et vous avez raison. Un délicieux assortiment de viande à un prix imbattable. Pour 5 kilos achetés, 3 kilos offerts. Ça, c'est une bonne idée pour les repas en famille. Et profitez-en, on est ouvert ce jeudi 1er novembre toute la journée. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Voir horaire sur intermarché.be. TF1. Dernières auditions à l'aveugle. Les coachs Amel Bent, Jennifer, Soprano et Patrick Fiori vont devoir sélectionner les derniers talents pour composer leurs équipes avant les battles. The Voice Kids, présenté par Nico Saliagas et Karine Ferry, demain à 21h. TF1, partageant des ondes positives. Find trouble. That's just trouble. I think I run away sometimes. Whenever I get too vulnerable, that's not your fault. See, I wanna stay the whole night. I wanna lay with you till the sun's up. I wanna let you inside. It gets too real, and every time I feel like sabotaging, I start running. And every time I push away, I really wanna say that I'm sorry, but I say nothing. I wanna stay the whole night. I wish that I could let you love me. what's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been, and I know you wanted to. All it takes is that one look you do, and I run right back to you. You cross the line, and it's time to say F you. What's the point in saying that when you know how I'll react? You think you can just take it back, but shit just don't work like that. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. Guess I'm stuck with you, and that's that. Cause when it all falls down, then whatever. When it don't work out for the better, if it just ain't right and it's time to say goodbye. When it all falls down, when it all falls down, I'll be fine. I'll be fine. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad, but I'll be fine. Why are we fine? The most, oh, I tried staying cold, but you take it personal. All these firing shots and making ground, it's way too hard to call. But I still can't let you go. Cause when it wanna move on. Things gonna be alright. Things gonna be alright. 7h25, bienvenue, c'est Dylan sur Énergie, le 6-9 en mode vacances. Je vous avais demandé de me donner votre nom et votre métier, pas mal de messages, notamment sur la page Facebook Énergie Belgique. Salut à Logan, il nous dit qu'il est mécano. Samantha aussi, debout depuis 5h, elle était aide-soignante, un petit peu comme Marie aussi, aide-soignante à domicile. Déjà au boulot, elle nous dit bonne journée, merci beaucoup. Dinoro arrive pour la suite des hits et je vais continuer à lire vos messages évidemment. J'en ai reçu, mais alors une blinde, c'est vraiment un truc de fou. Évidemment que vous bossez avec énergie. On s'en rend pas compte le 1er novembre, mais oui, il y a des courageux. Un petit peu comme Bruno. Bruno, il est tailleur de pierre. Salut à toi, Bruno. Aurélie, elle est aide-soignante. J'ai fait la nuit, donc moi, je vais aller dormir. Ah, c'est vrai, dans l'autre sens. C'est Séborel, Matma sur Facebook. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par SMS au 3018 aussi? Thomas, lui, il est éducateur spécialisé avec des personnes sourdes. Très bien. Marise, elle est infirmière de nuit. Raymond, chauffeur, livreur à l'Albatros. Jérôme et Marie, bah, eux, ils sont de retour de nuit, ce sont des inspecteurs de police. Ah oui, c'est vrai, les policiers, les ambulanciers, tout ça, les pompiers, on pense à vous. Jérôme et Marie, attention, est-ce qu'il y a la ceinture là? Je sais pas. Allez, Jérôme et Marie, merci beaucoup et bon retour. Isabelle, elle est épicière pompiste indépendante de Celle, les Dinans. Fabrizio, pâtissier et dingue de Franck. Voilà, le message est passé. Salut à Frédéric et Gritz, qui lui est grutier à Tours en congé, mais je vais au foot à Tubize avec mon gamin. Bah voilà, de quoi profiter en mode jour férié. Vous êtes juste une blinde et j'ai envie de tous vous lire parce que j'ai envie de vous mettre à l'honneur aujourd'hui, même si ça prend un peu de temps. Voilà, comme ça on met les auditeurs d'énergie en avant, c'est la famille. Jérémy, les mécaniciens, salut aux façades. Aslani aussi. David, il est de Arlon, agriculteur. Je vais aller vite. Hein. Lila, elle est pâtissière Ininature Atelier. Bonjour Yves Flers, coach sportif à Profondeville. Fred, il est livreur comme Tony aussi. Loïc, il est assistant. Thomas, Paula et Donovan, ils sont peintres en bâtiment. Patrick, il est cuisinier. Salut à Jérémy, qui nous dit qu'il bosse pas, mais qu'il va chercher une moto avec un pote sur Paris. 4 heures de route avec énergie, c'est bien ça. Salut à l'électricien, c'est Cédric. Pompiste en station-service, c'est Mélanie. Chauffeur-livreur, c'est Anthony. Vous êtes à l'énorme. Encore un nouveau policier, tiens, Quentin. Allez, on met à fond dans le combi ce matin. Salut à Mélodie, qui est infirmière. Très beau métier. Dimitri, qui est chauffeur poids lourd. Vous êtes beaucoup sur la route. Giovanna, elle est vendeuse en boulangerie. Bah oui, évidemment que vous êtes levé pour les pains au chocolat et les cookies. François, il est pompier. Salut à Manon, qui est employé à l'aéroport de Liège, tiens. Ah bah voilà, Manon. Je connais plein de monde en plus là-bas. Bah dis-moi un petit peu où tu es à l'aéroport de Liège. Enfin, je veux dire, dans quel service, Manon. Ahmed, il est infirmier. Salut à Kevin, qui est brasseur à Liège. Bah évidemment, ça ne s'invente pas à Liège. Voilà, pas mal de messages donc. Bon courage, pas mal de courageux aussi. Un petit peu comme Yannick Farkas. C'est notre journaliste qui est déjà là en studio. Yannick, c'est vrai, on est tous en mode. Moi, je suis content d'être là, franchement. Bah ouais, on est super content de taquer, on est là. Bah oui, il y en a beaucoup qui râlent le 1er novembre. Moi, je suis heureux. Allez, Yannick Farkas arrive pour l'actu et pour la météo. C'est dans moins de 2 minutes. A tout de suite. Bon réveil. Il est 7h28. Ali Murs. Big Snoop Dogg. You know we about to make moves. You dig? Walk in the club like a million bucks. First I hit the bar for a couple of shots. Wink at the beautiful women, I think I'm making them blush. Then I spill my drink trying to cover it up. Got the dad dance moves, they ain't ready for them. Got the Batman groove, go steady on them. Hey, senorita in a beautiful dress. Do ya wanna dance? She's telling me yes. I got confidence in myself, but that's just tequila giving me help. Trying to cover it up so you never tell. I feel like dancing with you. It's your moves, baby. 'Cause I can't dance in the way that you do. But I got that love that you ain't used to. Hey. And when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance. Slow down. DJ, play that track. Checking my kung fu kicks like I'm under attack. I wave my arms like this from front to back. But you never seen a bad mother dance like that. Then you beckon me in with a kiss on the lips. Jump into the middle, come and wiggle your hips. My love, take my hand, I'll give you a spin. Step one, step twice, let the party begin. I got confidence in myself, but that's just tequila giving me help. Trying to cover it up so you never tell. I feel like dancing with you. See what I come to find. It's your moves, baby. You dig? 'Cause I can't dance in the way that you do. Yeah. But I got that love that you ain't used to. Hey. And when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance. It's your moves, dance to the rhythm of the D-O-D-L. 'Cause I can't dance in the way that you do. D-O-D-L. And when the DJ's spinning that song that we grew to. You know we about to make moves. Come and teach me how to dance. You did. Chez Shoe Discount, un tas de chaussures et de vêtements tendance, maintenant à 20, 15 et même 10 euros. Aussi sur shoedescount.be. Ah, je vais me le permettre. Allez, hop, les pieds sur la table de mixage. Allez, c'est le 1er novembre, c'est férié, il n'y a pas le boss. Allez, hop. Voilà. En plus, je suis loin du micro, donc j'ai... on m'entend, Yannick ? Ouais, on t'entend. On m'entend. Le boss n'est pas là, mais il entend la radio. Donc. C'est vrai ? Oui, je pense. Ouais. Alors, on va se remettre droit. Voilà, d'accord. Merci beaucoup. En plus, il y a des caméras de surveillance. On y va. Voilà. Dinoro arrive pour la suite des hits. Avant ça, on fait un petit point sur la météo. Quand je suis sorti ce matin, j'ai vu qu'il faisait quand même plutôt chaud. Enfin, ouais, on gagne quelques degrés, voilà. Mais bon, c'est pas terrible. Ce matin, le temps sera sec, en tout cas. Ensuite, les nuages deviendront de plus en plus nombreux. L'après-midi, quelques pluies sont possibles. Et les maxima seront compris aujourd'hui entre 10 et 13 degrés. Il est 7h31, jeudi 1er novembre. Et tiens, pour une fois, il nous a fait le beau gosse, Yannick Farkas, puisqu'il est arrivé avec les cheveux tout coupés, la barbe bien taillée. Ils sont tombés pendant la nuit ou qu'est-ce qui s'est passé ? Un petit rafraîchissement de la façade. Voilà. Petit ravalement de façade. Exactement. Yannick Farkas, le tour de l'actu, on y va. Un millier de policiers prévoient de ne plus dresser de procès-verbaux du 1er au 15 novembre prochain. Il s'agit d'une action organisée sur un groupe Facebook sans l'aval des syndicats. Du 1er au 15 novembre, les fonctionnaires de police participants ne rédigeront plus de procès-verbaux de roulage et ne solliciteront donc plus de perception immédiate. Selon un policier, l'idée est de couper les vivres à l'État puisqu'il ne veut pas écouter. À partir de ce 1er novembre, une formation premier secours sera obligatoire pour obtenir le permis de conduire à Bruxelles. Un test de perception des risques sera également d'application. La formation premier secours vise à préparer les futurs automobilistes à une prise en charge adéquate des victimes d'un accident, et ce, avant l'arrivée des secours. Les équipes de recherche indonésiennes ont retrouvé la boîte noire de l'avion qui s'est écrasé en mer lundi passé. 189 personnes étaient à bord de cet avion de la compagnie Lion Air. Un plongeur a retrouvé la boîte à une profondeur de 30 mètres sous la mer. Cet élément devrait élucider les causes exactes du crash. Des corps ont déjà pu être récupérés, mais seulement une personne a pu être identifié. Le président américain Donald Trump est prêt à déployer 15 000 soldats à la frontière avec le Mexique. Il veut à tout prix empêcher l'entrée sur le territoire d'une caravane de migrants venant d'Amérique du Sud. À titre de comparaison, quelques 15 000 soldats américains sont actuellement déployés en Afghanistan. Enfin, hier en football, on jouait la 13e journée de championnat. Genk est allé s'imposer 2-4 à l'Antwerp. Courtrai et West Ham Beveren se sont quittés sur le score de 2 buts partout. Et enfin, Eupen s'est imposé 2-0 face au Cercle de Bruges. L'info énergie. C'est une info un petit peu plus légère, un petit peu plus sympa, où on peut discuter finalement, débattre. L'info énergie, on parle de quoi ce matin, Yannick ? Alors, pendant longtemps, la chanteuse Selena Gomez était la star la plus suivie sur Instagram, ouais, avec plus de 144 millions de followers. Selena Gomez paraissait indétrônable et pourtant c'est chose faite. Dylan, est-ce que tu as une idée de qui est là ou le nouveau numéro 1 ? Je suis sûr du nouveau numéro 1. Ah ouais, j'ai suivi ça sur internet. C'est pas le grand Jojo ? Non, ah, c'est peut-être ça. T'es pas loin puisque c'est Cristiano Ronaldo qui est maintenant la star la plus suivie sur Instagram. Il a un peu plus de 144 millions de followers. Et dans la suite du classement, c'est Ariana Grande qui est 3e. Enfin, Kim Kardashian, elle se retrouve 4e avec 19 millions de followers. Cristiano Ronaldo, c'est ça tu dis ? Ouais, c'est lui le number one. Mais Cristiano, c'est CHR, c'est ça ? C'est ça ? C'est Cristiano Ronaldo ? Non, alors... pas CH, non. Non, c'est CR. Bah oui, c'est R7, c'est... je suis bête. Cristiano. Ah non, c'est Cristiano seulement, c'est même pas Cristiano Ronaldo. On doit juste taper Cristiano. Bah, il y en a qu'un seul, hein, Cristiano. Ah ouais, le mec, 144 millions. Ah bah, je suis déjà abonné. Bah oui. Voilà. Et la dernière photo qu'il a mis, c'était. Il est entouré de boules, je te jure. Regarde. Alors, vous le voyez pas, mais il est entouré de boules en boxeur. De quel genre de boules tu parles ? Il y avait des soupçons sur sa sexualité, donc il a non entouré de boules comme au McDo quoi. Ouais, comme, c'est ça, comme des petits ballons. Voilà, dire. Merci. Bah, allez le suivre, tiens, comme ça lui fera encore plus de thunes. Merci beaucoup en tout cas, Yannick, à tout à l'heure. 8 points de vente, 1000 voitures neuves et occasions en stock. Dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. We'll be right back.

17 and we got a dream to have a family, a house and everything in between. And then suddenly we're 10, 23 and then we got pressure for taking our life more seriously. We got a dead end jobs and got bills to pay, have old friends and now our enemies. And now I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side in the city where the sun don't set. Day, you know where we ride through the back streets in a blue Corvette. And baby, you know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want, drive down to the coast, jump in the sea, just take my hand and come with me. Singing, we can do anything if we put our mind to it. Take your old life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me your heart cause I ain't gonna break it. So come away, to taste, start a new life together in a different place. Know the love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. Run away now, run away now. She used to meet me on the east side. Bienvenue sur Énergie. He used to meet me on the east side. En mode 6-9 de vacances, toute la semaine. She used to meet me on the east side, the city with the sun don't set. Le retour du 6-9 prévu lundi à partir de 6h sur Énergie. Équilibré, j'adore ça. On écoutera Kyo Black. Attends le jour de la paix. Trop bien pour se motiver en ce jeudi 1er novembre là. Vous gagnez vos places pour le concert Énergie de Lenny Kim. Lenny Kim, le Canadien, son premier album Les Autres est déjà disponible. Il fait un gros carton. Il faut savoir que c'est le finaliste de l'émission sur TF1 de Danse avec les Stars. C'était dans la saison 8. Il est en tournée partout en France, en Belgique, au Canada, en Suisse aussi. Et il passera par chez nous le 11 novembre prochain du côté de Bruxelles. Ce sera au Théâtre Saint-Michel. Et le 21 novembre, 10 jours plus tard, ce sera du côté de Liège. Chez vous, les Liégeois, au Forum de Liège. Les invitations, elles sont à gagner dès maintenant. Alors c'est grâce à la phrase Énergie. Il suffit d'aller vous inscrire sur énergie.be ou sur l'application Énergie Belgique. Et une fois que vous êtes inscrit, évidemment, vous aurez notamment noté votre numéro de téléphone. Si un animateur Énergie vous rappelle à ce moment-là, vous devez redonner la phrase. Et la phrase, la voici, elle est toute simple. Je veux aller au concert de Lenny Kim grâce à Énergie. Je veux aller au concert de Lenny Kim grâce à Énergie. Inscription 100% gratos. Allez vite le faire. Il vous reste encore quelques heures. Énergie.be. Vos stars préférées reviennent toutes à Cannes le 10 novembre pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Ça va à Cannes ? Les nommés sont... Votez maintenant pour vos artistes préférés sur énergie.be. Les Energy Music Awards 2018, le 10 novembre à Cannes, en direct sur TF1. Energy, hit music only. Chez Carrefour, nous pensons que tout le monde a droit au meilleur. Oui, surtout ceux qui mettent du haché dans tout. Dans les courgettes, les champignons, les tomates, les aubergines, les pois. Alors jusqu'à mardi, dans tous les magasins Carrefour, notre haché porc-bœuf belge est à moins 40%, soit seulement 4,79€ le kilo. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Aujourd'hui, Décathlon rend hommage à Evelyne et Fadou. Quand elles reviennent du boulot, elles enfilent leurs gants, 5€, leurs bonnets, 5€ et leurs collants. Et puis, j'ai aussi pris le collant, 15€. C'est quand même pas l'hiver qui va les empêcher de courir, non? Allez, c'est parti. Et s'il fait noir? Hop là! Elles ont même une lumière. Elle m'a coûté que 4€, dis. Pour faire peur aux loups. Bravo à toi, Evelyne. Et à toi aussi, Fadou. C'est pour des coureuses comme vous que nous développons des articles de sport au meilleur prix. Décathlon. That bad gal wicked. Anyway, me dem make the man tan sick. Dem a mad have a bambi, dem wan give me dicky. Nazaki black and Jane a the club. The one and nice gal fit one by the dicky. Light up the hook and drink some rum. Link up the gal, dem fi get some fun. And we make the gal, dem give him and bun. And look around the place, Gigi stand on. On est où là? Pour une paire de fesses, nous on trahit pas les nôtres. On est où là? Nous n'encaisse le baiser, on trahit pas les loups. Oh, yes, alléluia. Ouloulou. Ouloulou.

Trop bon de se réveiller comme ça sur l'énergie. Il est 8h12, bienvenue, Dylan avec vous. Et on dit un énorme merci à l'année 2018 qui fait tomber le 1er novembre, férié un jeudi. Comme ça, on peut faire le pont, c'est vrai. Ou le viaduc, si certificat médical. Ouais, il y en a, c'est bizarre, le lundi et le mardi. Ah oui, mais j'avais mal au ventre. Oh, je me sentais pas bien. Oh, je me suis mouché toute la nuit. Non, mais c'est vrai. Hey, faut arrêter avec ça. C'est le pont, peut-être pas le viaduc. Hein, on n'exagère pas. Allez, on se motive ensemble sur Énergie. Avec la suite des hits, on écoutera Marshmello, la section d'assaut aussi en mode classique et les Maroon 5. Sur Énergie, on vous joue vos hits préférés sans s'arrêter. Dans la playlist Énergie. Chaque jour à 9h et à 20h, c'est vous qui programmez. Vous qui décidez.